Et le bonheur du serviteur et sa jouissance et sa joie et son ultime plaisir et bonheur dans cette dunya, c'est d'arriver à cet objectif. Car le serviteur n'a aucun bonheur, ni plaisir, ni réjouissance qu'avec la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour d'Allah. Et la sérénité qu'il trouve dans l'évocation de son Seigneur, et la joie avec sa proximité, et l'envie de le rencontrer, c'est ça le paradis du croyant dans ce bas monde. Car Allah, comme il a un paradis dans l'au-delà, il a un paradis dans ce bas monde. Et personne ne peut espérer d'être dans le paradis de l'au-delà, s'il n'a pas été dans le paradis de ce bas monde. Il n'entre pas dans le paradis de l'au-delà que celui qui est entré dans le paradis de ce bas monde. Et l'imam Ibn al-Qayyim, il a rapporté de Cheikh l'Islam, son Cheikh Ibn Taymiyyah, il l'entendait dire, il y a un paradis dans ce bas monde. Celui qui n'y entre pas, n'entrera pas dans le paradis de l'au-delà. Le paradis de ce bas monde, c'est la connaissance d'Allah, c'est son unicité, c'est lui vouer un culte exclusif, c'est l'aimer, un amour d'adoration, un amour rempli de dévotion et de soumission. Certains parmi les salafs ont dit que il m'arrive à certains moments de vivre des moments d'un bonheur et d'une joie où je me dis, si les gens du paradis sont dans un bonheur similaire à celui-là, alors c'est un bienfait immense de la part d'Allah. Et d'autres savants ont dit, parmi salaf, masakin, ils sont pauvres et mesquins, les gens de ce bas monde. Ils sont malheureux. Ils sont sortis de ce bas monde sans goûter à la chose la plus délicieuse et la plus savoureuse dans ce bas monde. Ils lui ont dit, c'est quoi? Il a dit, l'amour d'Allah. Et le sentiment de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sentir, et la joie avec sa compagnie, sentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, et que tu es proche de lui, et l'envie de le rencontrer, et le détournement de toute autre chose que lui. Ça, c'est la chose la plus délicieuse et la plus savoureuse, et qui est la cause du vrai bonheur dans ce bas monde, et qui représente le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya. Et toute personne ayant un cœur vivant, il affirmera ces sens-là. Et c'est des choses que les gens connaissent par l'expérience. C'est des choses qu'on expérimente, et qu'on teste, et qu'on vit, et qu'on ne peut pas décrire avec les termes et les paroles et les mots.